Bonjour et bienvenue dans la Comicsphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, voici Gré Pigeon. Salut Spades, bonjour à tous. Donc, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui comme comics ? Alors aujourd'hui, on va parler d'une série en cours de parution aux États-Unis et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, cette série en est à son 8e épisode. C'est une série publiée par Image Comics, scénarisée par Brian Kevon et dessinée par Cliff Chiang. Je veux parler de Paper Girls. Très bon choix encore une fois, et qu'est-ce que tu peux nous raconter exactement dessus ? Alors c'est une série pour laquelle il faut éviter d'en révéler le plus possible, parce que elle mérite d'être lue sans en savoir trop. L'histoire se déroule en 1988, juste après la fête d'Halloween, très importante aux États-Unis, comme on sait, et elle met en scène quatre jeunes filles qui sont livreuses de journaux à vélo et qui vont faire la découverte d'une mystérieuse machine et d'extraterrestres au comportement plus que troublant. Il faut en plus dire que la quasi-totalité de la population de la ville semble avoir disparu. C'est une série de science-fiction. Tu m'as dit que c'était publié chez Image, et ce serait peut-être judicieux qu'on parle un peu plus de cet éditeur déjà. Oui, alors Image Comics, c'est une maison qui a été fondée en 1992, suite au départ de toute une série de dessinateurs de Marvel Comics, qui en avaient assez à l'époque que leur travail ne soit pas rémunéré à la hauteur de leurs attentes. Tu peux peut-être nous y dire un petit peu plus. Donc, en gros, c'était toutes les grosses stars du dessin de Marvel qui ont quitté en même temps pour fonder Image. Donc, leur politique était simple. Tous les personnages qu'ils créaient chez Marvel, ils en perdaient tous les droits. Ils n'avaient pas de droits d'auteur qui étaient reversés dessus. Ils étaient considérés comme étant la propriété de Marvel. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que, par exemple, un auteur qui travaillait sur Spider-Man, évidemment, les droits de Spider-Man ne pouvaient pas lui appartenir, mais il pouvait être amené à créer des personnages secondaires. Oui. Et il n'avait pas non plus les droits sur ces personnages-là. Tout appartenait à Marvel. Voilà, on peut citer comme personnages célèbres de Marvel qui ont été créés dans cette période, par exemple, le personnage de Cable. Ah oui, essentiel dans X-Force. Voilà, tout à fait, qui est un personnage très important, ou Deadpool. Bon, on n'arrête pas d'entendre parler ces dernières années. Donc Deadpool appartient entièrement à Marvel et non pas à son créateur. Voilà, qui est donc Rob Liefeld, qui a beaucoup travaillé chez Image par la suite. Donc la politique de Image, c'est que chaque créateur reste propriétaire de sa création. Donc si on va publier une série chez eux, cette série nous appartient en propre. Tout simplement, en fait, Image se paye sur les trois premiers numéros de la série régulière. Donc tous les bénéfices engrangés par ces trois premiers numéros appartiennent à Image. Par contre, le créateur a tous les droits dessus. Il gagne les sous par la suite, mais en plus, il décide de quitter Image pour aller chez un concurrent comme, par exemple, Dark Horse. Il peut emmener la série avec lui. D'accord. C'est le principe de ce qu'on appelle le creator-owned. Ah oui. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme série très connue chez Image pour que nos éditeurs se fassent une idée? La grande série actuellement chez Image, ça reste Walking Dead. Succès énorme, qui en est à plus de 150 numéros actuellement. Série qui a limite sauvé Image à l'époque. Donc Image a cartonné dans les années 90 avec des titres comme Witchblade, comme Spawn, Gen 13. Savage Dragon. Savage Dragon. Donc par la suite, forcément, ça a périclité parce que l'intérêt des lecteurs a disparu. Et en arrivant avec Walking Dead, Robert Kirkman a donné un second souffle à Image qui aujourd'hui rivalise complètement avec DC et Marvel. Oui, d'ailleurs, les plus grands auteurs des comics, des grands éditeurs, Marvel et DC, n'hésitent pas maintenant à partir chez Image pour lancer leur propre série. Oui. C'est le cas des auteurs dont on parle aujourd'hui, Brian Kevon et Cliff Chiang, qui ont commencé chez les Big Two, les Big Two Marvel et DC Comics, et qui sont maintenant, qui travaillent essentiellement en indépendant. Voilà, notamment Brian Kevon, qui a commencé donc chez DC Comics, ou plutôt sur la ligne Vertigo, qui est la ligne adulte de DC Comics, avec un titre qui s'appelle Why the Last Man, qui est publié en français chez Urban, qui est un excellent titre. Il avait travaillé également sur Swamp Thing, oui. À peu près à la même époque chez Vertigo, mais il a également travaillé chez Marvel sur les Runaways. Oui, très très bonne série teen, qui devrait être adaptée à la télévision d'ici quelques mois. Et en série télé, justement, il a aussi travaillé sur Lost, qui est quand même une série ultra connue. Ouais, il était scénariste sur Lost de la saison 3 à la saison 5, il n'était pas là au départ. Et ni à la fin, donc ce qui explique le naufrage de la fin. C'est possible. Et Under the Dome. Là, par contre, c'était le scénariste en chef de la série. Et adapté d'un roman de Stephen King. Tout à fait, et surtout, Brian Kevon, c'est plus qu'un bon scénariste pour beaucoup de monde, c'est l'un des meilleurs scénaristes de ces 20 dernières années. Oui, c'est un scénariste encore assez jeune, il a à peine 40 ans, mais c'est un des scénaristes stars du moment. Tu as cité auparavant Why the Last Man, qui est son énorme succès, mais il a également à son actif des séries comme Ex Machina, toujours chez Vertigo. Et lorsqu'il est parti chez Image, la première série qu'il a lancée, c'est Saga, qui a connu un succès incroyable. Depuis le début de sa carrière, donc il n'y a même pas une vingtaine d'années, Il a quand même réussi à rafler 11 Eisner Awards, qui sont donc l'équivalent des Oscars pour les comics. Enfin, il faut dire, non seulement il bénéficie d'un succès critique, hein, donc on le voit grâce aux Eisner, mais un succès public également, car toutes ces séries sont des cartons en tournant. Ah oui, tout à fait. On en parlera un peu plus tard de ça. Mais pour l'instant, on va s'intéresser surtout au dessinateur Cliff Chiang. Alors Cliff Chiang, aussi un jeune dessinateur, il a aussi la quarantaine, beaucoup moins connu que Brian K. Vaughan, mais il a réussi à percer au sein de DC Comics il y a quelques années, parce qu'il était le dessinateur attitré de la série Wonder Woman avec Brian Azzarello. Une série qui a vraiment fait date. Un excellent run qui a beaucoup changé le regard sur le personnage. Oui. Le style de Cliff Chiang a beaucoup joué là-dessus, notamment sa Wonder Woman qui fait très massive, très guerrière. Oui, il a un style extrêmement particulier. Très très dépouillé, on peut le rapprocher du franco-belge. Ouais, ben, d'ailleurs lui-même fait comme référence principale, parle de Mobius, qui est une référence un petit peu incontournable pour beaucoup de dessinateurs, mais c'est vrai que dans ce cas particulier, ça fait vraiment sens. Oui, et puis en autre dessinateur fan de Mobius aux États-Unis, on trouve Michael Red. Et c'est vrai que les deux styles de Chiang et Allred peuvent se rapprocher beaucoup. C'est des contours très très épais, un style épuré. Ça rappelle beaucoup la ligne claire, en fait, qui est vraiment le style typique du franco-belge. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu cites Michael Red, parce que Michael Red a une coloration vraiment particulière. On reconnaît tout de suite, c'est sa femme qui le colore. Et Cliff Chiang aussi bénéficie sur Paper Girl d'une coloration exceptionnelle. Une colorisation de Matt Wilson. C'est un coloriste que je connaissais peu. Faut dire, actuellement, on est un peu noyé sous les coloristes stars que sont Dave Stewart et Jordi Belair, qui sont vraiment les deux monstres sacrés actuellement de la colorisation aux États-Unis. Mais Matt Wilson m'a fait très forte impression sur Paper Girl. Il a travaillé aussi auparavant sur The Weeknd and the Divine. Ouais. Où il a aussi c'est son travail de colorisation qui fait sortir ce comics du lot. Ouais, il a un style qui est à la fois très froid et très chaleureux. Quoi, c'est vraiment, il va dans tout le spectre des couleurs directement. Ouais, ses bleus notamment sont extrêmement froids. Mmh. Alors que ces jaunes, au contraire, sont très marqués. Ouais. Ce qui donne un style qu'on reconnaît immédiatement. Là, sur Paper Girl, ça donne une petite teinte pastel qui renforce le côté nostalgique du titre qui se passe quand même en 88, comme tu l'as cité. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Matt Wilson et Cliff Chiang réfléchissent vraiment leur travail à deux. Habituellement, on a donc le dessinateur qui dessine la page, et donc là, Cliff Chiang ancre lui-même sa page. Et après, le coloriste passe dessus en suivant les indications qu'on lui a données. Mais là, c'est pas du tout le cas. Clairement, là, on assiste vraiment à un travail à quatre mains, où Cliff Chiang va avoir donc des contours de visage et des yeux très très très marqués. Et en fait, tout ce qui est le nez et la bouche, c'est directement mis en forme et en relief par la couleur. Ouais. Et ça donne un style très particulier qui est loin d'être désagréable. Honnêtement, Chiang n'avait pas totalement ce style-là au début de son run sur Wonder Woman. On l'a vu arriver graduellement avec ça. Et là, c'est vraiment la concrétisation. Oui, c'est clair qu'il est. C'est un jeune. Il a dépassé la quarantaine maintenant, mais au niveau d'une série régulière comme ça, c'est un jeune dessinateur. Et il s'est clairement fait la main sur Wonder Woman, même si son style est très bon dès le début, mais il évolue au fur et à mesure des épisodes. Et on arrive vraiment à un aboutissement avec la série Paper Girls. Ouais. Ben là, on disait justement que la série se passait en 88. Et justement, on constate un gros revival des années 80 dans la culture pop. Ah ben, on a l'impression qu'on voit plus que ça en ce moment. Donc là encore très récemment cet été, on a eu la série télé de Netflix Stranger Things, une série fantastique qui, comme Paper Girls, qui est centrée sur un groupe d'enfants et qui se passe également dans les années 80. On a également des films qui sont sortis, je pense évidemment à Super 8 de J.J. Abrams qui est sorti il y a maintenant quelques années. Voilà, ou en moins connu, on a aussi les films Turbo Kid et Final Girls, qui sont deux films que j'apprécie beaucoup, et qui sont un peu plus indés que Super 8, mais qui méritent le coup d'œil. Mais là où Paper Girls fait vraiment très fort, c'est qu'habituellement, prenons le cas de Super 8 qui fait vraiment le jeu des références, où c'est un peu ça le problème, c'est qu'on se prend référence sur référence. Là, dans Paper Girls, on se rapproche beaucoup de Stranger Things, dans le sens où les auteurs ont totalement digéré les références des années 80, ils ressortent pas ça bêtement, quoi. On t'assène pas de références toutes les 10 cases pour juste jouer à ça. C'est vraiment, ils ont compris ce dont ils veulent parler. La grande différence, je pense, par exemple, pour reprendre l'exemple de Super 8, J.J. Abrams, à l'époque, rendait un hommage à Spielberg, alors que Brian K. Vaughan et on repart de Stranger Things, on a l'impression qu'ils essayent de faire un comics ou une série télé comme s'ils étaient en 88. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la différence principale. Il y a des petites notes pour lesquelles on sent qu'on est dans les années 80, mais ce sont des détails, on ne les envoie pas la figure. Voilà, c'est ça le truc, et surtout là on a quelques grosses différences avec les œuvres de l'époque. C'est notamment, là on se retrouve quand même avec une série avec que des filles, et pas présentée comme on présentait les filles à l'époque. Oui, ça c'est vrai que c'est une énorme différence. Et c'est aussi d'ailleurs le cas dans Stranger Things, hein. On revient toujours à ça, mais c'est vrai que le personnage adolescent féminin est aussi un personnage très fort, au même niveau que les garçons. Mmh. Ce qui n'était pas le cas à l'époque dans les films comme les Goonies ou Stand By Me. Ou, voilà, où vraiment c'était ça restait quand même principalement des histoires de garçons, quoi. Là, vraiment, c'est des filles qui vivent le même genre d'aventure que les Goonies, parce qu'on ne peut pas ne pas penser aux Goonies en lisant Paper Girls. Mais voilà, c'est pas traité comme si c'était un truc de fille, avec tout le sens péjoratif qu'il peut y avoir dans cette expression, malheureusement. Oui, ouais, c'est vrai. Par contre, la grosse différence avec les Goonies, Stranger Things, qui sont des œuvres fantastiques, Paper Girls est une œuvre vraiment de science-fiction. Oui, et qui a des thèmes typiquement de science-fiction, donc notamment le voyage dans le temps. Donc là, on vous spoil un peu, mais oui, il y a une histoire de voyage dans le temps. Il y aura des rencontres entre des versions plus ou moins futures de certains personnages qu'on rencontre dans les tout premiers numéros. C'est ça, il y a des races extraterrestres. Oui, des races extraterrestres où on ne sait pas trop exactement ce que c'est, quoi. Oui, d'ailleurs, on va pas trop en révéler. Hein. Mais justement, par rapport à cette histoire de voyage dans le temps, on constate que les personnages de notre présent ont une énorme nostalgie de l'époque dont viennent nos héroïnes. Et on sent que c'est le message principal des auteurs, hein, qui doivent ressentir la même chose. C'est une époque où tout semblait encore possible pour les personnages. Quand on retrouve les personnages quelques années plus tard, on sent une énorme désillusion. Un désenchantement. C'est vraiment, on est passé des années 80 hyper positives au désenchantement des années 2000. Et ouais, il y a beaucoup de regrets de la part des deux auteurs là-dessus. Ouais, c'est vraiment évident. Un autre thème typiquement américain qu'on retrouve dans ce comics, c'est le thème de la disparition, oui. Vanishing. Tu fais bien de dire que c'est typiquement américain parce que c'est vraiment une signature culturelle américaine. C'est un peu comme l'histoire de Noël de Charles Dickens avec les trois fantômes, qu'on retrouve vraiment que dans la culture anglo-saxonne. Il y a très peu de Français qui vont essayer d'écrire là-dessus. Là, la disparition, ou du moins comme elle est conçue dans Paper Girls, c'est vraiment culturellement un trauma culturel américain. Pour beaucoup, on peut interpréter ça comme si ça venait de la Bible, notamment de l'Apocalypse, parce que certains passages semblent indiquer dans la Bible qu'à la fin des temps, les bons chrétiens seront enlevés du monde pour rejoindre le Seigneur et que les autres resteront sur terre pour subir le châtiment divin. Mais en fait, c'est inspiré par la réalité. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la colonie de Roanoke ? Non, jamais. Donc la colonie de Roanoke est la première vraie colonie civile anglaise en Amérique. Donc tu as déjà vu Pocahontas notamment ? Oui, bien sûr. Oui. Et donc en fait, Roanoke se passe quelques années avant Pocahontas. Et le problème de la colonie de Roanoke, c'est qu'elle a mystérieusement disparu du jour au lendemain. Donc, pour la petite histoire, donc la colonie a été fondée aux alentours de 1585, sur l'île de Roanoke. C'est là qu'est née la première blanche américaine, donc une petite fille nommée Virginia Dare. Qui a donné l'essence à l'état qui porte le même nom, l'état de Virginie. Tout à fait. Et donc, le truc, c'est que donc le chef de cette colonie a dû repartir en Angleterre et à cause de la guerre contre l'Espagne, est resté bloqué plusieurs années en Angleterre. Lorsqu'il est revenu, donc il a retrouvé la colonie entièrement vidée de ses habitants. Tout le monde avait totalement disparu. Aucun signe de guerre. Par contre, le camp était intact. Plus ou moins, parce que ça faisait quand même quelques années que la disparition semblait avoir lieu. Mais par contre, dans certaines maisons, la table était dressée comme si les gens se préparaient à aller manger, quoi, quand ils sont disparus. Il n'y avait aucun signe de combat. La seule chose qu'on a retrouvée, c'est un mot gravé dans un arbre. Le mot Croatoan. D'accord. Ce thème narratif, donc c'est ce qu'on appelle un trope. Donc ce trope est devenu vraiment une référence culturelle. Donc par la suite, les Américains ont imaginé ce qu'il a pu advenir de la colonie disparue, de ce qu'il a pu advenir de Virginia Dare, notamment qu'elle aurait peut-être été adoptée par un clan indien et que donc un indien serait tombé amoureux d'elle, elle lui aurait refusé son amour, elle aurait été tuée et transformée en biche blanche. Thème qu'on retrouve notamment dans Master of Horrors, dans l'épisode écrit par Max Landis, dont on parlait il y a 15 jours. D'accord. C'est drôle quand même les coïncidences. Tout se retrouve. Voilà. Et donc l'histoire de la colonie de Roanoke, on trouve énormément de références à ça. Donc justement, dans ça, de Stephen King, où il va citer exactement le même type d'histoire concernant donc le fameux clown qui aurait dévoré une colonie complète. Dans 100 Bullets, le mot Croatoan a beaucoup d'influence. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Ah oui, hein, ça vient de loin quand même. Ouais. Mais justement, j'allais te poser la question, parce que ce que tu nous décris, ça a l'air d'être évident pour les Américains. Ça l'était pas pour moi, en tout cas, à la lecture. Est-ce qu'un Américain qui lit ce comics, ça lui saute immédiatement aux yeux? La référence sur le thème du vanishing, oui, totalement. C'est vraiment inscrit dans leur ADN. Comme pour nous, en France, les Trois Mousquetaires, même si t'as jamais lu le bouquin, tu sais qui est D'Artagnan. Ouais, bien sûr. Voilà. Dès qu'on te cite le 1 pour tous pour 1, tu sais à quoi ça fait référence. Et vraiment, ça fait partie de ces différences culturelles qu'il y a entre la France et les États-Unis, quoi, clairement. Et vraiment, ce genre d'histoire sur la disparition, on en trouve beaucoup. Donc là, Paper Girls en est clairement un exemple récent. Mais dans les autres exemples récents, on peut citer la série The Leftovers, la série télé. Ouais, une série excellente où 2% de la population disparaît. Voilà, et c'est vraiment ce genre d'histoire. Maintenant, vous saurez à peu près d'où ça vient maintenant. Donc voilà, donc très intéressant Space. Maintenant, nous allons enchaîner sur le succès qu'a rencontré Paper Girl aux États-Unis. Donc je dois reconnaître tout de suite que dès le numéro 2 de notre podcast, nous trichons un petit peu, parce que l'idée, c'était de faire découvrir des séries qui n'avaient pas rencontré leur public. Et Paper Girls a eu quand même un petit succès aux États-Unis. Voilà, mais on triche pas vraiment, parce que on a vraiment envie qu'en France, Paper Girls soit une valeur sûre aussi. C'est clairement, je suis pas très très sûr que les séries de Brian K. Vaughan fonctionnent vraiment en France. Moi, je vais donner quand même quelques chiffres pour avoir une idée de comparaison. Le premier épisode de Paper Girls aux États-Unis s'est vendu à 80 000 exemplaires. C'est juste énorme pour du Image Comics. Pour une série Image, c'est énorme. Alors, on en est maintenant à l'épisode 8. Donc, j'ai pas encore les chiffres de vente de l'épisode 8, mais pour l'épisode 7, les ventes étaient tombées à 35 000 ventes pour cet épisode. Ce qui reste un chiffre très élevé pour Image. Image a l'habitude de tourner aux alentours de 20 000 copies pour une série. Là, pour vraiment... une série qui marche bien en plus. Hein. Si on veut comparer à Walking Dead, qui est vraiment l'étalon de Image, les épisodes récents de Walking Dead se vendent encore à 75 000, ce qui est vraiment énorme. Mais par exemple, Saga, qui est un énorme succès du même auteur, se vend aux alentours de 50 000. Donc on n'est pas très loin de l'énorme succès de Brian K. Vaughan. Et la différence, c'est que donc Saga est quand même une série qui est installée depuis quoi, 4 ans déjà. Oui. Donc voilà, c'est la fidéliser une audience. Walking Dead, entre les années que ça dure et la série télé qui est quand même à booster les ventes, c'est forcément aussi haut. Mais pour une série comme Paper Girls qui est plus confidentielle, non, c'est des super ventes. Ouais, c'est des très bonnes ventes. C'est pour ça que j'expliquais qu'on trichait un petit peu et que généralement on essayait de parler des séries, de passer un petit peu sous le radar. C'est une série qui rencontre un petit succès, Et qu'on espère sera durable. Ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée d'une sortie française? Oui, c'est prévu, donc chez Urban, qui a racheté les droits de diffusion en France. Et ça devrait sortir donc le 7 octobre 2016, du moins pour premier TPB, donc le premier volume relié. De toute façon, aux États-Unis, ils n'ont aussi sorti qu'un seul numéro. Oui, ben normal, on est en cours de publication, donc on a que 8 épisodes, forcément, faut attendre un peu pour avoir le deuxième TPB. Donc pour expliquer un TPB, c'est donc le regroupement des épisodes qui sortent chaque mois. C'est ça. C'est un volume relié, tout simplement. Donc généralement, ça regroupe un arc narratif. Oui. Donc là, d'après ce que je me rappelle, le premier TPB comprendra donc les épisodes 1 à 5. Ouais, et pour le prix, d'ailleurs, je crois qu'Urban fera un prix de lancement à 10 euros. Oui, pour ce prix-là, il faut pas louper. Ils suivent la logique de Image Comics qui fait ça pour tous les premiers numéros de ces séries. Les premiers TPB sont à 10 euros. Donc là, vraiment, faut pas hésiter. Pour 10 euros, si vous avez aimé Stranger Things, vous allez aimer Paper Girls, clairement. Si vous aimez Stranger Things, les Goonies, si vous avez bon goût, vous aimez Paper Girls. tout à fait. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ah ouais, on va en profiter pour commencer un petit point promo qu'on n'avait pas fait sur le premier épisode. Oui, déjà, on va commencer par remercier ceux qui nous ont servi de bêta-testeurs. Merci à vous. Et j'espère qu'on s'est amélioré grâce à vos, grâce à vos conseils. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans la section commentaires de notre site. Eh oui, parce que nous avons donc un site qui s'appelle comicsphere.fr, tout simplement. Nous sommes aussi disponibles sur iTunes. Notre flux RSS est aussi disponible. On a une page Facebook. Vous trouverez tout sur le site. Voilà. Faut pas hésiter à venir nous voir, à venir nous parler. Plus que nous suivre juste pour dire nous suivre, c'est bien. Mais si vous venez en plus parler avec nous, c'est encore mieux. Et nous faire peur de vos commentaires sur l'œuvre dont on a parlé, sur le podcast en lui-même. Et pourquoi pas éventuellement nous faire des propositions. Oui, tout à fait, on est très friands de ça. Faites-nous, vous aussi, découvrir des trésors à côté desquels on serait passé. On va finir avec une chanson, comme la dernière fois. Tu peux nous l'introduire, Spade ? Tout à fait. Donc, la chanson, on a longtemps hésité à prendre donc Cyndi Lauper avec Girls Who Wanna Have Fun, vu la thématique, filles, années 80, mais on s'est dit non. Bah non, parce que Paper Girls a beaucoup de qualités, mais c'est surtout pas une série fun. Non, elles ont pas beaucoup de fun, hein, les demoiselles. Hein. Donc, sur le coup, on a donc décidé de prendre un titre qui s'appelle Paper Girl de July Talk, qui est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe canadien qui s'est fondé en 2012. Et donc, la raison pour laquelle on a pris ce titre-là, parce que bah, ça ressemble au titre du comics, tout simplement. Et puis, c'est une bonne chanson. Hein. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Don't ask a question. Don't seek my trust. You don't look pretty when you smile. So don't smile at all. You love me like a doctor. Oh, still run with a broken leg. You're a paper girl with paper eyes. You're a paper crowd. And if you think it's your turn to ask a question, it's not. If you want money and you're comfy, if you want secrets in your teeth, keep your paper heart away from me. Well, it must be hard to be a pretty girl. Yeah, it must be hard to watch your body grow.